On va parler de basketball avec notre ami Pascal Jamais. Salut Pascal. Salut Danny, comment Bon, ça ben, j'étais en deuil ce matin. Je vais le battre presque en deuil. Je n'ai pas écouté le match hier. Je travaillais à mon autre emploi, je dois le dire, mais je vais l'écouter à NBA TV. Ce qui est le fun à NBA TV, c'est comme Canadien Express. C'est pas celui-là, NBA TV, là. J'ai tout. Tu l'écoutes en 1 heure. Fait que tu as tout le match en Ouais. 1 heure. Fait que Mais je viens de l'écouter là. à NBA TV? Ouais. Ok. Fait Non, que. c'était des highlights, c'était des highlights. Ah, moi, c'est la game au complet. Comme si c'est Canadien Express, mais les Raptors. Fait que, OK. On va parler maintenant de. Écoute, c'est 3-0, là. Je pense que c'est terminé. C'est la fin des haricots. Hier, c'est une défaite qui fait très mal. Hein, surtout dans le buzzer, dans la dernière seconde. Ça faisait penser au panier de Kawhi. 0,9, Ouais, puis on comme voit. Kawhi, il y a 3 ans, hein. Alors, tu voyais que Embiid voulait faire un peu sa revanche, là. Écoute, il reste un match. Est-ce que Toronto va réussir à aller le gagner à domicile? Ben, Est-ce que j'espère. Philadelphie va relaxer? Je ne le sais pas. Mais je donne pas cher pour les Raptors dans cette série-là, là. C'est 3-0. La pente est dure à remonter. Et puis, je pense que je pense que Philadelphie aurait dû perdre hier. Toronto a quand même connu un assez bon match, mais Van Fleet, il était pas très bon du terrain hier. Ok, ben c'est là qu'il fait pas comme Pascal Siakam, mais c'est là qu'on voit Ouais. qu'il y avait des interrogations depuis le début de la saison. Siakam, on se posait des questions avant les fêtes, après les fêtes, c'est un joueur qui était l'impression d'arriver, mais c'est dans les grands moments qu'on reconnaît les grands athlètes. Puis que Siakam connaît une saison, une série décevante. Je sais pas s'il est blessé, peut-être qu'il est blessé aussi, là. Non, je pense pas qu'il soit blessé. Je pense que Tobias Harris fait un bon travail défensif contre lui. On doit l'arrêter, mais oublie pas, beaucoup de joueurs deviennent des grosses vedettes en saison régulière, mais ils disparaissent en playoff. Oublie pas DeMar DeRozan. Là, DeMar DeRozan avec les Bulls, il est prêt, mais ça fait longtemps qu'il est dans NBA, là. Il y a beaucoup d'expérience maintenant, tu sais. Contre Milwaukee, je pense que je me trompe pas. Les Chicago, c'est 1-1 la série, donc Chicago a réussi à gagner un match. Donc DeRozan, il est plus prêt. Mais Pascal Siakam, c'était une de sa meilleure saison sans grosse vedette, en étant la vedette des Raptors. Mais là, tu arrives en série, c'est une autre sorte de pression. Puis quand tu joues, tu sais, Danny, quand tu joues un match contre Toronto ou un match contre Atlanta, tu as une préparation. Là, tous les joueurs, tous les entraîneurs connaissent ce que l'adversaire va faire. Tu comprends ce que je veux dire par là? Fait que d'être capable de connaître un excellent match, il y a beaucoup plus de pression en série à cause de ça. À cause de ça. Fait que là, Pascal Siakam, là, il se rend compte que, OK, pendant la saison régulière, je faisais, mettons, ABC, mais en playoff, il faut que je fasse ABC, DEF. Tu comprends ce que je veux dire? Faut qu'il en fasse plus. Faut qu'il soit prêt. Et Van Fleet n'a pas connu un très bon match. Mais comme je te dis, je pense que Nick Nurse cherche un peu. On a commencé Cambridge. Au lieu pour aller plus grand, plus gros, plus costaud contre Embiid. Et puis, tu perds en prolongation, ça fait mal, là. On avait une chance de gagner. On a manqué des lancers francs. Adunobi a manqué un lancer franc pour mettre les Raptors plus 2, tu vois, plus 1. Ça aurait fait une différence dans le match. Fait qu'on a manqué, certains lancers francs à la fin du match. Prince Achiuwa, je ne me trompe pas, a manqué deux lancers francs à la fin du match. Fait que ça fait mal. Tu sais, il y a des statistiques d'années au basket. Ton pourcentage de lancers francs quand il reste 2 minutes. Alors, fait que Shaquille O'Neal peut être à 60% du lancer franc, mais quand il reste 2 minutes, il est à 80%. Fait Jordan que était du même. Jordan, s'il y avait une défaite. Jordan ne manquait pas. Ouais, mais Jordan était pourri en estifie, c'est lancé franc. Tu sais, Absolument pas, Danny. au Jordan lancé était. franc. Le Brown au lancer franc, il est normal. Mais Mike était au moins à 75-80. Ouais, mais bon, au lancé franc, c'est quoi? C'est 90, 80, 80. Oui, non, mais là, tu me parles d'une vedette, là. Ok, ouais, ok, c'est bon. Tu me parles d'une star. Tu me parles pas d'un spécialiste qui tire 95%, mais il joue 10 minutes, puis il en prend deux par match. Tu comprends ce que je veux dire par là? Tu sais, faut que tu prennes le volume, le temps, tout ça. Fait que dans les top 10 joueurs de tous les temps, Jordan, il est pas dixième au lancer franc, là. Tu comprends ce que je veux dire? Shaquille, il est peut-être dixième au lancer franc. Le Brown, il est plus Pourquoi dans c'est le même, hein? 70. Parce qu'ils Comment? n'ont pas travaillé nécessairement sur Mais ça, leur. c'est. Souvent, les joueurs de 7 pieds, comme Shaquille O'Neal, de cette époque-là, souvent, il n'y avait jamais un bon tir au lancer franc. Puis c'est des joueurs que. les big men maintenant sont meilleurs au lancer franc, Danny, parce qu'ils prennent des tirs de 3 points. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Même Shaquille, c'est un des derniers qui faisait, il faisait 90% de ses points à un pied du panier. Tu comprends-tu? T'sais, tu vois, l'Embiid tire des 3 points. Il y a un bon pourcentage au lancer franc, Joel Embiid. Tu comprends ce que je veux dire? Mais les joueurs comme Wilt, Bill Russell, ces gars-là, ils n'allaient pas souvent au lancer franc. Puis quand ils vont au lancer franc, ce pas des joueurs qui prenaient des tirs. T'sais, le lancer franc, je ne me trompe pas, c'est 15 pieds de la bouteille, mais c'est des joueurs qui prenaient des tirs entre 0 à 5 pieds. Okay. Tu comprends ce que je veux dire par là? À leur défense. OK. Donc, est-ce que la blessure de Scottie Barnes a changé beaucoup? Absolument. Oui, ça a changé toute la donnée. Absolument. Hein. Oh, tu sais, je dis sans gagner, il ne se ferait pas balayer de même. Hein? Je suis content que tu le manques. Même si c'est probablement le recrue de l'année, un des top joueurs, au niveau des Raptors, c'était un. Il fait partie du succès de la saison. Tu comprends ce que je veux dire par là? Et là, il n'est pas là physiquement. Il n'est pas sur le terrain. Donc, ça fait énormément mal parce que là, ta rotation, tu ajoutes un joueur qui n'a pas beaucoup joué pendant la saison. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et puis, non seulement offensivement, mais défensivement, à 6 pieds 8, il y a des longs bras. Il peut jouer contre Maxi, il peut jouer contre Harden, il peut même jouer contre Embiid s'il faut. Fait que, tu sais, c'est probablement, pour moi, c'est la star des Raptors en passant. Ben, c'est le gars qui a le potentiel, je pense, pour être dans les lignées des grands des Raptors. Des Vince Carter, absolument. Des Kyle Lowry, des Chris Bosh, et ainsi de suite. Hey, parle-moi des commentaires de. C'est Joel Embiid qui a planté Nick Nurse. Est-ce que c'était. Est-ce que les commentaires avec les arbitres sont justifiés selon toi, de Nick Nurse? Les deux premiers matchs, c'est drôle. Le match d'hier, Nick Nurse aurait pu faire certains commentaires par l'arbitrage. Ouais. Tu perds en prolongation par deux points. Tu comprends-tu? Mais les deux matchs à Philadelphie, Danny, là, ils perdaient par 20. Non, je suis moi je m'excuse. Dans le game partout, ben, quand le match commence, le bon début dans le deuxième, serré, à Philadelphie. Ouais. C'est deux, trois mauvais calls, il va en avoir dans des matchs de basket. Embiid, il a dit dans la conférence de presse après, il a dit, écoute, moi j'ai dit à Nick Nurse, arrête de chialer. concentre-toi sur d'autres choses. C'est ça qu'il a dit. Ouais. Mais tu sais, il chialait. Je trouve pour un coach NBA avec la réputation que Nick Nurse a, je suis même presque surpris de le voir. C'est comme, coach ton équipe, arrête de chialer contre l'arbitrage, ça ne sert pas à grand chose. Non. Ça ne sert pas à grand chose, honnêtement. Mais tu es capable de dire à l'arbitre, telle situation, vous n'avez pas appelé de faute, vous appelez des fautes, tout ça. Fait que ça se fait. Mais pas tout le match. Là. On dirait qu'il y a juste chialé à Philadelphie. C'est deux matchs que tu te fais planter. Ouais. Quand tu te fais planter, je m'excuse, c'est pas l'arbitrage. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. OK. Non, c'est clair. Écoute, dans le premier match, ils n'ont pas été là. Dans le deuxième, il y a un bon début de match par la suite. Deuxième demi, on oublie ça, là, ils n'ont pas été là. Hey, donc, ça se termine dessus. J'espère que j'écoutais Cindy Caron 91-9 qui est à Toronto, qui est chez Beat the Raptors. J'espère juste que au moins qu'ils vont faire mentir Shaquille. C'est l'objectif. Ouais. O'Neal l'avait dit. Apparemment, c'est rétracté par après. Ouais. Mais regarde, je pense que ça va finir soit 4-0 ou 5-1, là, Danny. Ouais, ils gagneront pas. Très dommage, le match d'hier, ça fait, tu t'enlèves pas, là, tu sais, sur le buzzer, là, tu t'enlèves pas, là, ça. Hey, les Celtics contre les Nets, ça, c'est l'autre série que je suis. Ouais. Parce que c'est une belle rivalité, les Nets, les Celtics, c'est la meilleure équipe de l'Est en deuxième moitié de saison. Les Nets, c'est pas vraiment une équipe de 8e place. On en a parlé souvent durant la saison. Hier, grosse victoire des Celtics, c'est 2-0. Mais écoute, 1 en 17 du terrain, je pense, en deuxième demi, entre Kyrie Irving, Kevin Durant, c'est leur faute. Mm. OK? Là, on peut aller en détail. Oui, tu dois jouer dans le play-in qu'on appelle, donc tu dois jouer dans les matchs pour être dans les séries. Tu finis 7e. Mm. Tu joues contre Boston, qui ont la meilleure défensive de la NBA cette année, en plus. Le joueur de l'année défensif, c'est Marcus Smart. Mm. Une jeune star à la Jason Tatum qui pourrait être le visage de la NBA avec Luka Doncic facilement, S et West. Un excellent entraîneur, Ume Udoka, un ancien disciple de Greg Popovich en passant. Tu as tous les ingrédients pour du succès. Maintenant, tu as supposément le meilleur garde au niveau d'habilité de tous les temps, le meilleur joueur offensif de tous les temps qui est Kevin Durant. Je te parlais de Kyrie Irving le premier. Ouais. Mais sauf que Kyrie Irving, sa première année, ben là, il y a une bataille au Capitole, ça me tente pas, je suis mentalement, je suis fatigué. Tu sais. Puis j'ai rien contre les athlètes au niveau du repos mental, tout ça, il y a une réalité. Sauf que moi, j'achète pas ce que Kyrie Irving il vend. Okay? Il veut pas se faire vacciner, il manque la moitié des matchs. Fait au niveau, ça, c'est son choix, Danny, là, tu comprends-tu? Mais ça mon doit point, être dur pour un vestiaire. Hein? Je me ben pose c'est ça, la je te dis, mon point, Danny, t'as pas le choix de respecter ce qu'il veut. Okay? Mais ouais. À partir de là, les attentes envers Brooklyn sur papier sont là, mais sur le terrain, ils l'ont pas démontré encore. Je m'attends à ce que Brooklyn gagne le match chez eux, puis que la série finira pas 4-0. Mais si Boston vole le deuxième ou le troisième match, c'est fini pour... C'est pas fini pour Brooklyn, là. C'est fini pour Toronto, Danny, mais pour Brooklyn, qui est 0-2... Ils peuvent avoir le prochain match est la clé. C'est tout, là. On parle de deux joueurs qui sont capables, les deux, dans un match, de faire 40 points. Tu comprends ce que je veux dire par là? Oui. Fait que j'ai hâte de voir si Steve Nash va faire certains ajustements. Est-ce qu'on va faire certains ajustements pour contrer ce que Boston fait? Tu sais, on a DeAndre Jordan comme centre, on le joue pas. Blake Griffin ne joue pas. On a un jeune Claxton qui est quand même un bon joueur. Mais est-ce qu'il va faire certains ajustements? Ça serait intéressant. Et l'autre chose, est-ce que Ben Simmons va jouer? Ouais. On parle peut-être qu'il jouera pas le troisième, mais le quatrième match. Et lui peut tout changer la donne s'il est en forme. OK. Hey, dis-moi, t'as resté du temps parce que là, j'ai oublié de te demander ça avant de rentrer en onde. Vas-y. C'est parce que demain, t'as ton emploi, donc j'ai oublié de te demander. Est-ce que j'ai d'autres points, je vais te parler de la série des Suns. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que t'as le temps? Rapidement, oui. Ouais, OK. C'est pas compliqué, c'est 1-1. Ouais, mais Devin Booker, moi je me pose la question, exactement. C'est Devin Booker. Ils vont passer à Nouvelle-Orléans. Sauf que, tu sais, pour la suite des choses, est-ce que ça peut changer? Mais est-ce qu'ils vont passer à Nouvelle-Orléans si Phoenix n'a pas Devin Booker? Intéressant. Avant, les analystes disaient que Phoenix était l'équipe qui se rendrait en finale. Le plus facilement de tous les clubs. Plus que Miami, plus que Boston, plus que Golden State. OK? Là, on se retrouve à 1-1. Et Booker, si je me trompe pas, ne jouera pas match numéro 3 et peut-être pas match numéro 4. C'est tough. Puis j'adore ce que Willie Green fait. Willie Green qui est l'entraîneur-chef de Nouvelle-Orléans. Avec les jeunes vedettes qu'ils ont. N'oublie pas qu'on a été chercher CJ McCollough, et c'est ça la différence. CJ McCollough qui est avec Portland, avec Damian Lillard, qui est tout un scoreur, tout un meneur, OK? Écoute, c'est une équipe très, très, très dangereuse, Danny. J'étais surpris qu'il gagne le match. Zion n'est pas là. Oh, on n'en parle même pas de Zion. Zion, est-ce qu'il va devenir un joueur d'impact? C'est une autre affaire, là. Je pense que les blessures Danny, il n'y a pas de conversation avec Zion tant qu'il n'aura pas joué une saison complète. Ben non, c'est ça. Fait que ça vaut même pas la peine d'en parler. Dernier point que je veux te parler, parce que je ne veux pas prendre tout ton temps. Il y a une Québécoise qui a signé avec la WNBA, la Ligue des femmes, c'est Viva Freed. Est-ce que tu la connais? Nira Fields, est-ce que tu la connais premièrement? Nara Fields, ça fait longtemps qu'elle a joué dans la WNBA. Là, tu parles de Maëlle Jean, si je me trompe. Ah, pas. Ben, OK. Maëlle Jean qui a signé un contrat avec 2016, excuse-moi, je me suis trompé carrément. Non, mais tu t'es pas. Non, mais c'est bon que tu dises Nara Field parce que moi, en 2009, au Jeu du Canada, je coachais l'équipe du Québec U17, c'était la meilleure joueuse au Canada féminine. OK, non, elle a joué pour l'équipe nationale. Okay. Non, mais je te parle de Nara Field, elle a joué dans la WNBA. Okay. Mais là, on parle de Maëlle, qui est ancienne du Collège Montmorency, je me trompe pas. Qui a joué aux États-Unis NCAA à Rutgers, puis elle a fini, je pense, avec dans une autre équipe, Arizona State. Est-ce qu'elle peut jouer? Est-ce qu'elle peut, parce qu'elle a été invitée, c'était le repêchage. Est-ce qu'elle peut percer les Mercury de Phoenix? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. C'est toute une athlète. OK. Très intéressant. Fait que je ne serais pas surpris, mais c'est vraiment le fun de voir tout ce qui se passe au niveau de nos athlètes féminins et masculins au Québec, au niveau Bénédicte Mathurin, national et international. Ben des joueuses, là, et des exactement. Joueurs. Là. Hey, Nara Field a joué dans la WNBA pendant plusieurs saisons. Ouais, OK. Pascal, un gros merci, on s'en parle bientôt. Ça fait plaisir, à bientôt, Danny.